Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. Oui, je sais, c'est étonnant de faire un Superfail sur l'échec de l'opposition à Donald Trump, tant ce président est décrié en France et dans le monde, parce que aux États-Unis, malgré les critiques, scandales, affaires qui pleuvent, le président Donald Trump conserve le soutien de sa base. Ils n'aiment pas Donald Trump et je ne les aime pas parce qu'ils sont malhonnêtes. Le cœur du problème est la moralité du président. Quand vous me parlez d'une source anonyme au sein de l'administration, un type probablement à la dérive, qui est là pour de mauvaises raisons, et le New York Times, lui aussi à la dérive. Et si franchement je n'étais pas là, il n'existerait pas. Qu'est-il arrivé au Parti républicain ? Le principe central de sa politique étrangère était la lutte contre le communisme. Et maintenant, ils font ami-ami avec un ancien patron du KGB. J'entends parler d'une vague démocrate. Je dis, pourquoi y aurait-il une vague bleue ? On fait plein de bonnes choses pour l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de gens au travail dans l'histoire de ce pays. Donc j'espère une vague rouge, républicaine. L'idée selon laquelle tout ira bien parce qu'il y a des gens au sein de la Maison-Blanche qui, secrètement, ne suivent pas les ordres du président, ce n'est pas un contre-pouvoir. Je suis sérieux. Ce n'est pas comme cela que notre démocratie doit fonctionner. Je suis désolé, je l'ai regardé, mais je me suis endormi. Je l'ai trouvé très bon. Très bon pour dormir. Superfail. Jean-Éric Brana, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 2 à Sast. Vous êtes spécialisé dans les questions relatives à la société et à la politique aux États-Unis. Vous êtes chercheur à l'IRIS. On vient d'entendre Trump, et alors ce qui est frappant à chaque fois qu'on l'entend, ce qui fait à peu près le contraire de tout ce qu'on a enseigné en matière donc de politique, de communication politique, de sociologie politique, on n'arrête pas de découvrir des scandales, des affaires, et malgré tout, ça n'imprime pas. Est-ce que c'est votre sensation ? Ah, c'est plus que ma sensation, c'est la réalité. Vous avez vu quand même, souvenez-vous, hein, quand il est devenu président, 20 janvier 2016, on nous a expliqué très rapidement, à peu près une semaine après, ou deux semaines après, que ce président allait être destitué. C'était quand même un petit peu rapide, et les médias de toute la planète se sont emparés de cette future destitution, bien sûr. Aujourd'hui, je crois qu'il n'existe personne dans le monde qui ignore ce qu'est un impeachment, que moi j'enseigne à mes étudiants chaque année avec quelques difficultés. Cette année, je suis tranquille, je peux sauter la leçon, puisque que, effectivement, vous avez fait le boulot. C'est ça en réalité. Mais pourquoi ? Parce que, par exemple, la collusion avec la Russie, elle pourrait déboucher sur un impeachment ? Mais alors, quelle collusion ? Si la question, c'est de dire qu'il a parlé à des Russes, vous savez que ça n'est pas interdit, même pas pour des Américains. Et en réalité, c'est là où il y a quand même une transposition un petit peu subjective, voire très subjective, du journaliste, qui explique, qui criminalise en fait la relation avec la Russie, en expliquant ce qui est très grave. Ce qu'on nous dit, en l'occurrence, dans cette enquête, c'est « Y a-t-il eu une interférence des Russes sur la campagne de Donald Trump ?» Et jusqu'à maintenant, la réponse est non. En tout cas, Donald Trump n'a jamais été impliqué. Ça fait 2 ans qu'on recherche et il a raison de le dire. Rien n'a été trouvé. Donc à chaque fois qu'on sort le détail qui fait qu'on se rapproche, que, vous savez, en justice, on est responsable personnellement. Quand quelqu'un autour de vous se fait arrêter, vous n'êtes pas responsable de cela. Son avocat, ou plutôt son ancien avocat, qui paye une escort girl pour monnayer son silence. Au début, cet avocat a dit que c'était juste de la philanthropie, qui avait donné de l'argent à cette femme, mais alors pas du tout sur ordre de Donald Trump. Aujourd'hui, Donald Trump reconnaît qu'il a demandé que le versement soit effectué. C'est une violation des comptes de campagne. Non, c'est pas forcément une violation des comptes de campagne, puisque la défense de Trump est très maligne. Il explique qu'il a payé de son propre argent. Donc là, il y a des bilans comptables, hein, donc ce sera assez facile à établir si c'est des comptes de campagne et si on a pris l'argent dans la caisse de la campagne ou si on l'a pris dans la caisse de Donald Trump. Il peut être poursuivi au civil. Vous savez, un président n'a pas d'immunité aux États-Unis pour les actes civils commis avant son mandat. D'ailleurs, il n'y en a même pas pour ceux commis pénalement durant son mandat. Ce qui veut dire que pour cette affaire-là aussi, Jean-Éric Brana, il ne peut pas être empêché, il ne peut pas être destitué. Alors, je ne dirais pas ça, puisque en réalité, l'impeachment est un acte politique, non pas un acte juridique, ce qui veut dire qu'on peut être empêché pour absolument n'importe quoi, y compris pour l'affreuse cravate rouge trop longue qu'il porte constamment. Vous voyez, c'est ou parce que sa mèche est mal peignée, c'est un motif d'impeachment. On nous parle actuellement d'un impeachment possible après les midterms, il pourrait effectivement arriver. En revanche, il n'y aura pas destitution, car pour qu'il y ait destitution, il faut qu'il y ait un crime grave et surtout, il faut une super majorité des deux tiers du Sénat qui n'obtiendra jamais, les démocrates n'obtiendront jamais s'il n'y a pas un crime grave derrière. Alors, vous venez de parler des midterms, autrement dit des élections à mi-mandat. On est en train d'expliquer que l'opposition à Trump échoue, qu'elle ne parvient pas à renverser la vapeur. S'il perdait les midterms, S'il perdait les midterms, il continuera à être président des États-Unis encore pendant 2 ans, avec un petit peu plus de difficultés pour gouverner. Ça dépend comment il perd les midterms, parce que, vu de France, on ne voit pas toujours que c'est une élection multifacette. Il y a très peu de chances qu'il perde le Sénat, donc je vais isoler cette hypothèse et la mettre de côté. La Chambre des représentants, s'il la perd, eh bien, il ne pourra plus faire voter de loi au Congrès, donc il va gouverner par décret. C'est ce qu'ont fait tous les présidents avant lui, puisqu'ils ont tous perdu les midterms sur les 2 dernières années, c'était par décret. Obama a perdu les midterms. Et Obama a gouverné par décret. C'est d'ailleurs comme ça que Donald Trump a pu démanteler l'héritage d'Obama, puisque comme c'était des décrets, il annulait les décrets et il en mettait d'autres à la place. C'est ça le risque. En réalité, c'est une instabilité au niveau du pays. Par contre, il peut perdre les midterms au niveau des gouverneurs, et ça, c'est très probable. Et là, c'est un vrai contre-pouvoir, parce que les gouverneurs, ce sont les présidents des différents États. Il y a 50 États aux États-Unis. Et ils agissent sur la vie quotidienne des gens. C'est pas de la politique nationale vue sur l'international, mais c'est bien sur l'école, sur les impôts au quotidien, sur la sécurité, enfin, ce qui fait notre vie de tous les jours. Et là, Donald Trump n'aurait plus de prise, même pas sur l'assurance santé qu'il essaie pourtant de réformer. Bon, bah alors, donc, s'il perd les midterms du point de vue des gouverneurs, est-ce que ça pourrait être contrebalancé symboliquement, politiquement, s'il réussit à conserver le Sénat, ce qui n'est pas si fréquent pour les présidents précédents. Il faut aussi le rappeler, Jean-Yves. Il y a même un seul exemple, et dans l'histoire moderne en tout cas, donc ce serait une grande victoire. Eh bien écoutez, ce qui va se passer, c'est que le lendemain, il va expliquer que c'est une grande victoire parce qu'il a gardé le Sénat, donc préparez-vous à écrire les titres le lendemain. Trump est victorieux au Sénat, dit-il, et les démocrates vont expliquer que c'est une défaite. Mais au final, ça veut quand même dire que ce président est impopulaire s'il perd une partie des midterms, Jean-Yves Brana. Absolument, ce président est impopulaire depuis le départ, mais il était pendant la campagne, ça vous a pas échappé, hein. Il a quand même eu tout le monde contre lui, les démocrates, les indépendants et les républicains qui avait monté un mouvement qui s'appelait « Jamais Trump ». Bon, mais on a vu que ce mouvement n'a pas été très efficace puisque c'est Trump qui a été élu. La faute ou la chance, ça dépend de quel camp vous mettez au système démocratique américain qui veut que les États sont tous représentés. Il y a donc un système de collège électoral qui contrebalance le vote populaire pour permettre aux États les moins peuplés de participer au même titre que les plus peuplés et de ne pas être englobés dans ce système. Bon, aujourd'hui, il gouverne, ce qui n'était pas le cas au moment de la campagne. Est-ce que sa popularité s'est effritée, est-ce qu'elle peut être comparée à celle des autres présidents de la République, des autres présidents américains? Alors, 2 points différents. La première, d'abord, on a un phénomène absolument inédit avec Donald Trump, c'est que sa popularité ne bouge pas. On a une ligne quasiment droite, mais son impopularité ne bouge pas non plus. Donc, on a un ravin entre 2 rives et les gens ne traversent plus d'un côté à l'autre. Ça, c'est absolument exceptionnel. Maintenant, est-ce que ça peut être comparé? Oui, parce que les autres, justement, ont eu des popularités qui ont bougé. Et à ce niveau où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment à 2 ans de mandat, la plupart des présidents étaient au même niveau de popularité, voire un petit peu en dessous pour certains, un petit peu au-dessus pour d'autres. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez comparable. En tout cas, avant les midterms, on est sur les élections de mi-mandat, on est sur des résultats assez comparables pour les derniers présidents, que ce soit Obama ou Clinton en particulier. Mais alors justement, si vous comparez en dynamique, par exemple, Barack Obama, est-ce que sa popularité favorable, sa popularité défavorable, est-ce qu'elle a évolué au cours de son mandat? Alors, les popularités défavorables des présidents n'ont jamais atteint le niveau qu'il y a avec Donald Trump. On est plutôt à 23-24. On a en fait un gros volant de gens qui se déclarent je ne sais pas. Et c'est, on entend très souvent ça dans les sondages, gens qui ne veulent pas se prononcer. Et donc, il y a les militants, les contre-militants, et puis le reste qui attend. Avec Donald Trump, il n'y a quasiment pas de gens qui ne se prononcent pas. Ils ne laissent pas indifférents. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, même pas en France, nulle part dans le reste du monde. Donc c'est un président sur lequel on se positionne. Un président sur lequel on se positionne et on voit les campagnes qui sont lancées contre lui, à juste titre ou pas, ça c'est en fonction de ce que les auditeurs décideront en leur âme et conscience. Mais on voit quand même, par exemple, le New York Times, qui, pour ceux qui n'ont pas la lecture de ce quotidien comme une pratique fréquente, le New York Times est quasiment entièrement tourné vers une critique de la politique de Trump, vers le fait de sortir des affaires concernant Donald Trump. Qu'est-ce que ça change, Jean-Éric Brana? Je mettrai un tout petit bémol, si vous me permettez, c'est que dans la presse américaine, c'est pas tout à fait dans la presse française, il y a deux parties, une partie journalistique qui concerne des faits, qui est assez très peu subjective en réalité, très factuelle, et puis il y a une presse d'opinion, et on est dans cette partie opinion, là en plus anonyme, cette presse d'opinion est effectivement tournée contre Donald Trump, mais elle est tournée de façon très large. Vous savez, il y a à peu près 1500 journaux aux États-Unis, on va dire à 98%, c'est de l'anti-Trump. D'ailleurs, 300 des plus grands journaux américains s'étaient prononcés contre sa candidature, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire américaine. À peine 2% étaient de son côté, on va dire les plus extrêmes, catalogués comme tels. Et c'est vrai que Donald Trump a donc fait face à un courant de presse face à lui, et il y a répondu. Car quand le scrutin, le résultat du scrutin est tombé, il a fermé les contacts avec les journaux et il l'a fait pendant 3 mois. Ça ne s'était jamais vu non plus dans l'histoire. Entre le 9 novembre 2016 et le 18 janvier, qui est la date de sa première conférence de presse, il n'y a aucun contact avec la presse, mis à part des tweets. Et donc, on s'est habitué à voir cette communication de tweets de la part du président. Et bien sûr, la presse a été très critique parce que en 140 caractères à l'époque, c'était très difficile d'avoir une pensée élaborée. Je vais masquer un peu en faux par rapport à ce que vous venez de dire. Pour moi, le New York Times, à juste titre, je suis journaliste, lancé des moyens importants d'investigation contre Donald Trump et il a trouvé des choses qui est différente de Barack Obama qui, à ma connaissance, n'avait quasiment pas eu de scandale durant ses deux mandats. Alors moi, je m'inscris en faux par rapport à ce que vous venez de dire. D'abord parce que oui, le New York Times a lancé des moyens très importants, comme le Washington Post, qui ont ouvert des bureaux respectivement à New York et Washington, chacun l'autre, pour faire de la presse d'investigation. C'est bien dans la presse d'opinion que cela se retrouve et pas dans la presse factuelle. Donc c'est bien ce que je disais, il y a bien une division. Quant à Barack Obama, vous avez oublié l'affaire Risen, qui est quand même une affaire très importante. James Risen qui avait révélé un scandale à la CIA et Barack Obama l'avait poursuivi en justice. Avait réclamé les sources au journal à l'époque et c'était un vrai scandale chez les journalistes qui rappelaient que le premier amendement protège la liberté de ramener des nouvelles au public. Sur Donald Trump, ce que je veux dire, par exemple, tout cet été, il y a eu un feuilleton dans le New York Times qui était le procès Paul Manafort. Paul Manafort a été le directeur de campagne de Donald Trump. Le deuxième, il y en a eu plusieurs. Non, il y en a eu deux. Il y a eu Corey Lewandowski jusqu'en mars, et de mars jusqu'à la convention, c'était Paul Manafort. Paul Manafort est aujourd'hui sous les verrous. Mm-hmm. Il a été reconnu coupable. Je crois qu'il était poursuivi pour 18 crimes et délits. Il y en a 10 qui ont été... Détournement de fonds, on va dire, pour faire voilà. Simple. Bon, c'est un escroc. Absolument. On peut dire ça comme ça, Jean-Éric Brana. Bref. Il y a un certain nombre d'articles qui ont été faits. C'était vraiment un feuilleton qui a passionné l'Amérique, un peu comme l'affaire Benalla en France. Et la multiplication de ces articles n'érode pas le prestige de Donald Trump auprès de ses soutiens. Je précise bien auprès de ses soutiens, puisque les autres n'ont quasiment plus de doute sur la qualité de l'entourage du président. En revanche, si on additionne tous les scandales qui sont sortis, on voit que ça n'ébranle pas son électorat. Oui, parce que les scandales, en réalité, il y en a depuis qu'il est président et en réalité depuis qu'il est candidat. Bon, il y en avait déjà du temps où il n'était qu'une personnalité célèbre aux États-Unis. Donc c'est vrai, c'est un personnage, on va dire... Sauf qu'à l'époque, on s'en moquait. On s'en moquait sans s'en moquer. Enfin, le fait qu'il ait commis des malversations à l'époque, bon, bah, c'était un homme d'affaires voilà. Qui commettait des malversations, quoi. C'est ça. Souvenez-vous quand même, quand il est entré en campagne, il nous a fait la totale. Hein. Il a dénoncé les Mexicains qui étaient des voleurs et des violeurs. Il a expliqué qu'il tendait la main aux Russes. Il a expliqué que pour la Syrie, il remettait en cause les choses. Il a expliqué qu'il fallait fermer les frontières aux musulmans. C'est-à-dire, il nous a fait la totale. Et les journalistes du monde entier se sont dit, mais ce type-là est extraordinaire. On va en faire, bien sûr, les premières pages. Et il a fait les premières pages entre le 16 juin 2015, date de la candidature, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours aux États-Unis. États-Unis dans tous les journaux, mais plus que ça, tous les jours dans le monde entier. Regardez, on est encore en train de parler de lui. Et il a trouvé la formule miracle en réalité. Il l'a dit lui-même avant d'être en campagne. Vous savez, c'est très simple. Si vous voulez être président, il faut faire parler de vous tout le temps parce que les gens oublient. Alors j'en reviens au cœur de votre question. Les scandales ne sont qu'un moyen de faire parler de soi. Moi, je prétends même que c'est lui qui souvent relance les scandales parce que ça maintient un niveau. Très clairement, quand il y a eu le vote sur l'Obamacare, vous vous en souvenez, c'était au milieu de l'été de l'année dernière, on a eu à ce moment-là des démissions en masse à la Maison-Blanche. Alors on a changé le porte-parole, on a changé le secrétaire général de la Maison-Blanche. Ce sont des petits événements, enfin c'est pas très grave en soi, et pourtant la presse... ça change tout le temps hein, autour de la presse a couvert ça comme si c'était quelque chose de gravissime, alors qu'en même temps on votait l'Obamacare. L'Obamacare n'a pas été voté. Ce qui est le plus grand échec de Donald Trump à ce jour, c'est, juste pour un chiffre que les auditeurs comprennent bien, 64 demandes des républicains du temps d'Obama, des projets de loi pour annuler l'Obamacare. Pensez donc s'ils étaient tous remontés comme des pendules pour pouvoir le supprimer. Ils ont échoué. Aujourd'hui, personne ne retient cet événement comme un événement politique majeur. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de choses sans importance que tout le monde a oublié aujourd'hui. Si je vous parle de Scaramucci, vous allez vous demander si je ne parle pas d'opéra. Non, je parle de ce type dont on a parlé à l'époque et qui devenait porte-parole, chef de la communication de la Maison Blanche. On nous a présenté ces histoires où il insultait le secrétaire général de la Maison Blanche comme si c'était gravissime. Tout ça, évidemment, ne l'était pas. Ça permet de détourner l'attention de ce qui est en train de se passer et qui est réel. Et tout ça, pour moi, c'est Donald Trump qui l'a mis en scène. Vous pensez que c'est de l'enfumage. Mais alors, par exemple, en France, on a eu des présidents qui sont devenus plus impopulaires, j'emploie là aussi un euphémisme, parce qu'on a considéré que leur comportement n'était pas présidentiel. Le comportement de Donald Trump n'est absolument pas présidentiel. Comment expliquez-vous que les Américains qui ont voté pour lui ne se disent pas, bah, finalement, cet homme n'est pas digne d'être président ? Alors d'abord parce que c'est ce qu'ils ont acheté. On le savait déjà, j'ai rappelé comment il est entré en campagne, rappelons la campagne dans le caniveau à laquelle nous avons assisté, jusqu'à un jour par exemple s'en prendre à un journaliste handicapé, on le Saint-Jean, les affaires sur les femmes, évidemment tout cela, les gens le savaient au moment où ils ont mis leur bulletin dans l'urne, où ils ont coché la case Donald Trump, donc il n'y a pas de tricherie sur la marchandise. Ils ont acheté un PDG pour essayer de diriger l'entreprise États-Unis. Un type avec un mauvais caractère, une mauvaise réputation, mais prétendument efficace pour diriger l'économie. Et c'est bien ce que Donald Trump leur dit depuis. Mais j'ai rempli le contrat, l'économie est absolument formidable, vous l'entendez chanter sur tous les tons. Et c'est vrai que c'est très difficile pour l'opposition aujourd'hui de se battre contre ça, parce que c'est ce qui était vendu. En revanche, je crois qu'effectivement un président a une autre dimension, est une dimension d'exemple. Et ça participe de l'énervement de l'opposition aujourd'hui, qui n'accepte pas d'avoir un président qui roule les États-Unis dans la farine, on va le dire comme ça, parce que peut-être que l'Amérique est plus forte sur le plan militaire ou sur le plan économique, mais sur le plan des valeurs, elle ne l'est pas. L'exemple qui est donné n'est pas le bon. Il n'est pas le bon pour l'inclusion, il n'est pas le bon pour le féminisme, il n'est pas le bon pour la main tendue aux différentes diversités. Donc c'est vrai que de ce côté-là, l'opposition qui estime qu'il y a une morale dans la politique et qui attend du président qu'il soit un exemple, comme on attend d'un prof, de ses enfants qui se comporte bien, enfin, ou de n'importe qui que nous allons rencontrer dans le cadre professionnel, eh bien, on n'a pas avec ce président. Et ça, c'est vrai que ça pose un problème. Ça pourrait même finir par poser un problème à son électorat si ça se prolongeait trop, à mon avis. C'est-à-dire ? On remarque par exemple que dernièrement, depuis la mort de John McCain, dans lequel le président Obama n'a pas honoré... Il a fait plus que ça, il s'est encore illustré. Il est allé faire du golf devant les caméras pour bien montrer... Vous savez, faire pendant du golf aux États-Unis, c'est pas très gênant, ça prouve qu'il est sportif. Et le golf fait partie de la vie de tous les jours. Non mais c'est pas la même notion qu'en France où le golf effectivement est réservé à une classe élitiste, c'est pas le cas aux États-Unis. Non, c'était même pas ce à quoi je pensais, je voulais juste dire qu'il a montré qu'il ne respectait pas la mémoire de John McCain en allant faire du golf pendant son enterrement. Il aurait pu le faire discrètement. Mais il n'a pas écrit que c'était un héros. Et pour la plupart de son électorat, qui sont des républicains, qui ont considéré cet homme-là comme un des grands dans leur parti. N'oublions pas qu'il a été candidat à la présidentielle. Ils l'ont soutenu. Eh bien, ils n'ont pas accepté ce décrochage-là parce que c'était s'en prendre à leur propre camp. Donc, c'est se mordre eux-mêmes. Et on a vu que la cote de popularité de Donald Trump a chuté brutalement de 6 points en une semaine. Elle a légèrement remonté quand il y a eu toutes ces attaques avec Woodward et la tribune du New York Times ou l'arrivée d'Obama. Qui n'a eu aucun effet, cette tribune ? Et aucun, à part de faire remonter Trump. Il a remonté, mais très légèrement, très légèrement. Et la cote de popularité de Trump, là, actuellement, rechute à nouveau. Je crois que l'affaire McCain a troublé certaines personnes qui se disent à un moment, hey, quand même, t'es président, arrête un petit peu d'être tout le temps en campagne contre tout le monde, tu peux pas l'être contre nous. Tu me poses une question difficile. Si aujourd'hui, il y avait une élection présidentielle aux États-Unis, est-ce qu'il serait réélu ? Je pense que oui, parce qu'on a toujours le même système du collège électoral. En réalité, tel que moi je fais des études, bien sûr, c'est mon travail là-dessus, il y a 5 États qu'il doit absolument garder et qui sont des enjeux dans ces midterms, qui sont les États de ce qu'on appelle la ceinture de la rouille, la Rust Belt, autour des grands lacs, pour ceux qui se situent aux États-Unis. Donc on a la Pennsylvanie, l'Ohio, le Michigan, le Wisconsin, qui sont des États ouvriers et que apparemment il est en train de perdre parce que les plus progressistes au Parti démocrate sont en train de grignoter, notamment à travers des syndicats. Ça, c'est très intéressant parce que s'il perd ses États au midterms, à ce moment-là, on va se dire que peut-être il perdra en 2020. Bon, alors si on veut se débarrasser de Trump, on n'est pas obligé de vouloir se débarrasser de Trump, on est libre. Mais si on veut, il faut quoi ? Il faut tabler sur un retournement de l'économie, Jean-Éric Brana ? Je suis même pas sûr que cela fonctionnerait. En réalité, encore une fois, c'est tellement polarisé aujourd'hui que ça va être très difficile de déloger Donald Trump. Sachant qu'en plus, un président est généralement réélu pour le deuxième mandat. C'est quasiment une tradition. Il n'y a que Herbert Bush, le 41e président, qui n'a pas été réélu, mais parce qu'il y avait un troisième candidat, Ross Perot. Et la solution, elle est peut-être là pour le Parti démocrate ou pour les opposants à Donald Trump, c'est de faire émerger un troisième candidat entre les démocrates et les républicains. À ce moment-là, les démocrates s'y sont unis, vaincront Donald Trump parce que c'est lui qui perdra des voix. Alors justement, c'est ma dernière question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une alternative à Donald Trump, une personne dans le camp démocrate ou dans le camp républicain, bon, c'est assez improbable, qui puisse aujourd'hui lui faire obstacle ou en tout cas de l'ombre. C'est bien le drame du Parti démocrate, et c'est là où on peut dire qu'ils ont vraiment échoué. C'est que pendant ces 2 années de lutte systématique contre Donald Trump sur tous les fronts, ils n'ont pas pris le temps, un, de créer un programme qui pourrait donc répondre à l'électorat sur les attentes quotidiennes. Et on voit que par exemple les jeunes attendent des réponses concrètes dans leur vie quotidienne. Et surtout, il n'y a aucun leader. Pourquoi ? Parce que les septuagénaires, je parle bien au-dessus de 70 ans, continuent d'occuper tout l'espace médiatique et empêchent les jeunes pousses que l'on connaît derrière, que moi je connais en tant que spécialiste, mais qui ne percent pas aux États-Unis. Alors par les pensées dans le reste du monde, personne ne les connaît. Merci Jean-Éric Brana. Trumpland, portrait d'une Amérique divisée, c'est le livre que vous avez publié aux éditions Priva. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Jacques Hubert à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.